Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique, diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô les mounes! Parlant de poubelle homosexuelle, moi c'est Jess PVM, grande bipolaire, concierge, sobre, Virgo, ascendant Lion. On est en plein dans ma saison au moment où on enregistre d'ailleurs. Yeah, Leo season! Et c'est définitif, je m'identifie comme le Danny Turcotte des pouces-crottes. Ah. Oh, je suis la folle de la reine. Hier aux deux éléments de chance de ce statement. Toujours dans l'ordure rose. Moi, c'est Charlie, puis je suis rendu frontman dans un band de indie rock. Ça s'appelle Half Moon Run. Vous écouterez ça. C'est bien bon. Mais moi, la saison passée, je voulais partir Green Gay. Green Gay? Ben, je veux dire, peut-être qu'on se croisera dans un festival. Oui, oui, on pourrait faire Homo Cheaga. Homo Cheaga. Ça serait bon. Homo Cheaga. Munchella. Ah, on a déjà fait un, moi, puis mes amis. Désolé. Le on bro- a déjà fait un, moi, puis mes amis aussi. Ouais. On okay. a du merge, Carlis. Oui. Comment ça va? Ben, ça va toujours aussi mal. Ce n'est qu'une pente descendante qui n'arrête pas de descendre, puis on n'arrive jamais au on fond. On n'arrive jamais au bout. Longue, cette pente-là. On n'arrive jamais au bout. Sacrement que ça va mal. J'ai pas encore retrouvé la crazy carpet. C'est avec toi, je parlais de ça, une crazy carpet, là. Que... On parle tout le temps. On parle tout le temps de crazy carpet. It's a thing. It's a thing. C'est un lingo, comme disent les jeunes. Fait qu'aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on t'a pas tabarnak, la moutarde nous monte au nez. On est soupe au lait, bleu marine, on a des couteaux dans les yeux et c'est de ça qu'on parle ce matin. On parle de violence et de colère politique. Moi, je soupe au lait, par contre, est-ce que ça... soupe au lait, ça veut pas dire être fâché? Il y a beaucoup de gens qui pensent que soupe au lait, c'est paresseux. Ou être plate. Ou être plate, mais c'est faux. Oh. C'est faux. Être soupe au lait, là, c'est être super susceptible. Ben, tabarnak. Parce que faire bouillir du lait, là, t'as déjà fait. Tout le monde a déjà fait sa béchamel à la maison, on le sait. Là. Tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Voilà, il y a différentes méthodes. Il y en a, c'est en se crossant, il y en a, c'est en brassant leur lait perpétuellement. Quand tu fais ta béchamel, faut que tu tournes tout le temps. En tout cas, c'est de là que vient l'expression. C'était notre petit moment. Bon, ben, cette capsule vous a été présentée par le fils de la langue française. Oui. Non, c'est le fif de la langue française. Ouh! Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à d'où vient la colère, à quoi la violence peut servir, pourquoi est-ce qu'on a peur de la confrontation, ouais. Quelles sont les différentes formes de colère et de violence, et plus encore. Et oui, fait qu'on s'en va péter les vitres d'un Starbucks en criant pumpkin spice partout, justice nulle part, et on revient un coup qu'on a fini de boire tout le café qu'on a pillé. Ça fait qu'un cocktail Molotov fabriqué avec un cortado, c'est crissement pas efficace, mais on a réussi à siroter quelques tasses et on est over café iné. Ah, yes! Fait que là, un petit peu comme on a fait avec l'épisode Pandémoon puis Polyamoon, on aborde un sujet qui est quand même large. Ben, saison 2, on se gâte. Ben là, on est tout en largesse. De toute façon, on a passé la saison 1 au complet dilaté. Là, on peut rentrer les plus grosses affaires. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai ça quand tu sors ça de nulle part? Je suis comme, I don't even see it coming. Genre, oh bitch, là. Fait que là, dans le fond, quand même, comprendre la colère, comprendre la violence, c'est quand même quelque chose qui peut nous aider, je pense, à naviguer notre militantisme queer, d'une certaine façon. Et, encore, là, je viens de le dire, c'est un sujet général, mais d'un point de vue encore plus général, je pense que la meilleure façon de commencer, ce serait de passer par le petit trio violence d'État, violence de la résistance, violence de la répression. Yes. Qui se suivent souvent ensemble et dont on tend à oublier la première partie qui, je vais l'expliquer, est la violence d'État. Ouais. Appelez ça l'État, appelez ça le gouvernement, appelez ça le monde dans lequel on vit, la société. Je veux dire, on vient au monde dans un univers qui nous préexiste. Ouais. Moi, j'ai jamais voté pour l'hétéro-patriarcat capitaliste. Non, c'est ça. On n'a pas eu le choix. Bon. Et ce monde-là, on a tendance à penser passivement, même si je pense que c'est pas vrai, mais c'est ce monde-là dans lequel on vit, l'état de la société, est violent. Puis ce qui est rough, c'est que c'est justement ces gens-là au pouvoir qui ont le contrôle, puis oui. L'histoire, c'est l'histoire des vaincus aussi. Oui. Fait que ça prend vraiment du temps avant d'être capable de comme prendre du recul, de réaliser que, oh shit, genre, c'est oui. pas normal, puis on peut vouloir autre chose, mais oui. c'est tellement fort le fait que la violence de l'État est légitime. Puis, tu sais, quand on parle de violence d'État, je pense qu'il faut aussi qualifier de quoi on parle. En fait, je pense que la manière la plus facile de, comme, break down les trois formes de violence, c'est de se dire que la violence de l'État, c'est les raisons pourquoi on manifeste. Oui. La violence... c'était quoi que t'avais dit? Violence d'État, la violence de la résistance. Violence de la résistance, c'est la manif. La manif. Puis la violence de répression, c'est la police qui réprime la manif. Fait que, tu sais, mais la violence d'État, c'est tout ce que l'État fait ou ne fait pas qui a des conséquences super oui. violentes sur la vie des gens, mais oui. qui, au final, est considéré comme des choix budgétaires. Oui. Ça nous est présenté comme une raison d'État, ça nous est présenté comme... des promesses politiques pour oui. des gains auprès de, comme, d'un électorat plus aisé qui représente une majorité. Oui. On pense à, genre, la CAQ, puis genre... Les banlieues puis la campagne québécoise blanche middle class. Oui, qui est là où l'électorat de la CAQ se trouve en majorité. Ouais. Et qui, je veux pas généraliser, là, ah, mais... Généraliser. Ah ouais, on et regarde, qui a tendance à être un petit peu pro loi 21, par exemple, la loi qui empêche le port de signes religieux, qui est en fait une loi anti-burqa, on va se le dire. Oui, c'est ça. Fait que, bon, il y a ça, puis... Tu sais, tu disais justement, la violence d'État, des fois, c'est long avant de s'en rendre compte parce qu'il faut revenir en arrière. Tout ça, tu sais, le meilleur exemple, on l'a vécu pendant la pandémie, là, ça faisait 10 ans que les CHSLD, ça allait pas bien, puis ça a pris 10 ans pour s'en rendre compte. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement sournois, d'extrêmement pernicieux. Puis, tu sais, souvent, quand t'es privilégié, tu sais, le gouvernement a coupé dans le BS, tu dis, c'est plate, tu sais, les pauvres, ça va pas bien. Mais si t'es sur le BS, tu dis pas, c'est plate, ça va pas bien. T'es dans merde, dans tabarnak. Ouais, ouais, mais il y a aussi, c'est parce que, étant donné que, genre, l'État contrôle à peu près tout, tu sais, puis surtout les médias. Mais il y a un truc où, genre, si on dit qu'on coupe, genre, je sais pas, à coups de millions dans le bien-être social, t'es comme, bon, enfin, on récupère de l'argent. Mais quand tu réalises que le budget de l'État québécois, là, genre, c'est des milliards et des milliards de dollars, là, que tu coupes 10 millions dans le BS, là, pour vrai, là, c'est pas beaucoup d'argent, c'est des miettes. Tandis que, genre, 1 milliard à Bombardier, ça, c'est correct, on laisse partir ça. Fait que, tu sais, il y a aussi des trucs d'intérêt de ces gens-là sont super à coquiner avec, genre, l'élite capitaliste, de, genre, gens qui contrôlent les multinationales, que dans le fond, ils sont pas tant que ça. Genre, on pourrait, deux Greyhound bus en bas du canyon, puis on a réglé le capitalisme, là. Ah oui. Genre... Tu packes tout ce beau monde-là, là-dedans, là, puis après ça, ben, t'es. Pas de clim, esti, pas de clim. Surtout pas. Surtout pas, de toute façon, ces gens-là, ils survivent pas plus que 3 jours sans clim. J'ai lu ça dans une recherche scientifique. Puis tu sais, c'est important de garder cette violence-là en tête parce que les médias focusent beaucoup sur les deux dernières qui sont les manifs et la répression. Mais est-ce qu'ils focusent tant que ça sur la répression? Parce que je trouve qu'ils sont tout le temps dans un truc qui justifie la répression, tu sais. Mm-hmm. Tandis que, si les manifestants osent péter de quoi, ils n'ont même pas besoin, en fait, parce qu'en fait, la police peut juste provoquer la confrontation, puis après ça va être la faute des manifestants de toute manière. Exact, exact. On va revenir justement à cette violence dans les manifestations-là, mais c'est vrai que les médias vont beaucoup plus focusser sur de l'événementiel sans faire le lien général avec, justement, tu sais, les gens vont dire, les médias vont dire, il y a eu une manifestation contre... la hausse des frais de scolarité, on va dire. Là. Je suis une vieille... Un exemple super récent, genre... Que... ou contre les lois. Et Gen Z qui nous écoute sont comme encore les vieilles. Oui, encore les autres. Qui nous parlent de 2012, asti, fermez vos gueules, c'est fini, vous l'avez pas fait, la révolution. Oui, c'est ça. Mais tu sais, combien de temps les médias accordent à expliquer les impacts, mettons, de la hausse des frais de scolarité dans l'exemple que j'ai choisi? Genre, combien de temps les médias vont passer à dire pourquoi c'est bon ou mauvais? Presque pas. Puis c'est que ces violences-là sont jamais légitimées, tu sais. Juste comme les manifs de Black Lives Matter, t'es comme literally, les personnes noires ont peur de se faire descendre par les cops. Oui. Genre, tu sais, comme. Puis t'as des conversations avec, genre, je sais pas, ta famille, puis tu leur dis, OK, mais tu sais, toi, qu'est-ce qui ferait que tu sortirais, puis que t'aurais le goût de casser tout? Puis la réponse de tout le monde, c'est, ben, si on s'attaquait à mes proches. C'est literally ça qui se passe pour les personnes noires. Mais on n'est pas capable de le framer comme ça, puis on est juste comme, ah, ben là, des manifs, c'est agité, c'est pas bon. Puis t'es juste comme, mais est-ce que tu comprends la raison derrière? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est légitime en briser des objets? On s'en calisse. C'est pas un pestacle, là, c'est une nécessité. Oui, c'est ça, tu sais. C'est une question de vie ou de mort. Mais puis même quand c'est, tu sais, c'est-à-dire que des fois c'est des questions de vie ou de mort qui sont moins directes aussi, tu sais, comme la hausse des frais de scolarité, c'est juste de comme d'être dans un esti d'affaires néolibérales où genre les gens sont dans des dynamiques d'endettement. Oui, puis t'investis dans ton toit Inc. Oui, c'est ça. Puis qu'au final, il va juste maintenir les gens dans la pauvreté. Ouais. Puis genre, c'est une autre forme qui tue pas directement, mais tu sais, la pauvreté, genre indirectement. Mais tu sais, si tu travailles trop, puis que t'es épuisé, puis que t'es endetté, puis que t'es stressé, ton espérance de vie est moins longue. Oui, exactement. Comme on peut en venir là aussi, tu sais. Oui, fait que donc, je pense que. C'est important de garder ça en tête quand on parle de violence politique ou de colère ou tout ça, qu'il y a une violence de base qui existe, ma foi, en permanence, là, qui est tout le temps là. Puis c'est tellement gros, puis on a tellement pas de wiggle room. Parce que oui, il y a des mouvements sociaux qui se construisent, oui, il y a des affaires qui se passent. Je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde romantise 2012, puis aime donc ramener 2012 et tout. Parce que oui, mais on avait un sentiment de communauté aussi, de, on était capable d'agir sur la situation, puis de faire des choses, de construire un mouvement. Il y a ça aussi avec Black Lives Matter. Il y a comme, ça donne l'espoir de sentir que tu peux agir. Oui. Ceci étant dit, je dirais, des concessions symboliques, OK, on a Black Lives Matter décrit à terre sur l'asphalte dans à peu près toutes les villes, mais comme combien de fois ils vont combien dire... de villes ont écrit Defund the Police? Oui, puis aussi, pas juste ça, qui le fait, tu sais, les gens, on est très prompt à faire des concessions symboliques, là, t'sais. Ah ben oui. Oui, c'est toujours ça qui vient en premier. Pauline Marois, elle a porté son carré rouge. Elle a tapé sur des casseroles, on se rappelle, Jean Charest, sa campagne électorale, c'était « Préférez-vous les casseroles et la rue? » Yes, bitch. Ah, mais oui, ben la réponse est oui. Mais... Absolutely, mais genre, je pense pas que c'est ça, je pense pas, là. Je pense pas que Pauline, anyways... Pauline, la communiste révolutionnaire. Eh, tabarnak. C'est tellement elle. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est tellement prenant, puis omniprésent, puis on a ça prend tellement d'énergie construire un mouvement qui obtient généralement des concessions symboliques ou pas grand-chose que c'est difficile comme pas être désabusé puis en tabarnak là, pour revenir à la colère, mettons. Ouais. Ouais. Ce qui nous amène quand même à une deuxième source de la colère que l'on peut ressentir, qui est justement, on n'a pas beaucoup de victoires quand on est militante ou militant. Hey. C'est difficile d'être un activiste parce que, comme tu l'as dit, souvent les victoires vont être symboliques. Je vais revenir avec mon hostie d'exemple de la hausse des frais de scolarité, mais quand Pauline Marois a été élue, elle a juste indexé les frais de scolarité. Non, d'ici 2-3 ans, ça va être pire que ce qui était supposé de se passer à l'époque de 2012. Non, je sais. Fait que je pense que quand on se dit « Ah, le monde est donc agressif puis pissed off dans le milieu militant », ben j'ai dit « Ouais ». On a des crises de bonne raison parce qu'on gagne pas souvent. Ah, puis ça aussi, c'est genre tout un truc parce qu'à un moment donné, tu sais, sur qui on peut exercer ce sentiment de colère-là, on peut pas l'exercer sur nos oppresseurs. Puis j'ai souvent l'impression que, genre, on se le fait subir les uns aux autres. Ouais. Tout le monde est à gorge de tout le monde. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est fatigué du travail militant, c'est du travail gratuit, les choses bougent pas. Puis tu sais, à un moment donné, ça vient qu'à beaucoup... Puis c'est vrai qu'au final, les gens dans ta communauté, t'as du grip, tu sais. Éduquer ou lancer des wake-up calls ou genre dénoncer des situations dans ta communauté parce que ça a un impact. Oui. C'est juste que en même temps, c'est vrai que c'est lourd à porter de juste pouvoir se renvoyer cette violence-là les uns aux autres. Souvent pour des raisons justifiables. Oui. Ben pas oui. Pour rien pour le fun. Là. Je veux dire, il y a des affaires qui vont pas dans les milieux militants puis qui doivent être adressées, mais en même temps, quand on est toutes spread so thin, puis qu'on n'a pas de victoire, puis que genre c'est. On va là où on sait qu'il y a une oreille qui va nous écouter. Oui, c'est ça. On va peut-être faire saigner cette oreille-là, mais genre c'est la seule qu'on a. Fait que c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'entre nous, il y a un niveau de tension qui est plus élevé parce qu'en plus, on se watch, veux pas. But it'd be tough. Puis aussi, tu sais, comme on n'a jamais l'impression de faire assez non plus parce que les choses bougent pas. Ben, c'est, oui. C'est difficile d'avoir le sentiment d'avoir accompli. Puis là, t'as des complexes de performance. Oui, puis tu sais, je veux dire, en tout cas, je veux dire, je comprends que, genre, mettons, on peut pas se faire un... Je ferais pas un plan quinquennal pour quand on va abolir le capitalisme. Non, genre, non, c'est non. Tu sais, je veux dire, j'aimerais ça, là, croire au grand soir, puis au fait qu'on va faire ça en gang, ouais. Là. Ça serait cool. Oui. Mais c'est pas ça qui va arriver. Ben, I wish. Ouais. Genre, I'd be down. En même temps, moi, j'ai vraiment une mentalité de. Excusez, c'est un peu déprimant, mais tu sais, comme moi, dans ma tête, il n'y a jamais un moment où l'humanité va s'asseoir en rond en chantant Kumbaya, puis la paix dans le monde, c'est réglé. Il va toujours avoir. Moi, je pense que si tout le monde serait comme à Saint-Lô, puis qu'on se peinturait la face, là. My God, on abat le capitalisme, puis on joue au hockey, tout le monde. Yes. Je pense que. Pour rester dans les sources de la colère ou de la violence, je pense que, tu sais, on en a déjà parlé un peu quand on a fait l'épisode sur la réappropriation des insultes homophobes. Souvent, ta première émotion politique, c'est ta propre oppression. Tu t'es fait traiter de tapette, tu t'es fait body-shamer, tu t'es fait bully à l'école. Et c'est peut-être pas nécessairement comme compris comme tel ou digéré non. Avec ce vocabulaire-là sur le moment, mais ça réfère à des trucs. Oui, ouais. C'est comme la base de l'indignation de beaucoup de gens, c'est vraiment, c'est ça, c'est quand tu te fais quand tu te fais opprimer, là, je veux dire, il n'y a pas d'autre verbe. Là. Mais tu sais, puis il y a ça, puis il y a aussi le truc de comme, ben, tu sais, au final, les milieux militants sont pleins de comme... cis white straight boys que genre tu sais ils vivent quand même dans un système capitaliste qui les exploite oui. Puis dans un tu sais puis que il y a ça aussi c'est juste que c'est vrai que ça prend différentes formes dépendamment de c'est quoi ton identité puis oui. Comment que t'évolues là-dedans puis c'est pour ça aussi que vu que les autres ont plus de wiggle room ils prennent plus de place dans ces milieux là oui. Oh, oui puis comme à l'inverse aussi je pense que ça c'est plus malsain je pense mais comme justement te faire call out sur les oppressions que toi tu fais aux autres ça c'est beaucoup une source de colère chez les gens il y a des gens qui sont beaucoup plus concerned de se faire dire qu'ils sont racistes que de pas être racistes. Oui. Beaucoup de gens on pense oui. Au Bloc québécois dans son ensemble là. Ah mon Dieu mais là oui on peut pas je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour illustrer c'est quoi les gens qui s'inquiètent comme je le dis là, qui s'inquiètent vraiment plus de se faire call out que de mais pas fournir de raison. Mais pour vrai, ils s'inquiètent-tu tant que ça de se faire call-out? T'sais, parce que moi, je trouve que quand ils se font call-out comme racistes puis qu'ils font juste comme crier à tort et à travers que genre ils sont victimes ouais. de ces trucs-là, ça leur fait gagner tellement un gros capital auprès des gens qui sont low-key racistes, qui se considèrent ben oui, pas oui, racistes, oui. Juste le droit d'être raciste. C'est ça. T'sais? Si on parle de l'exemple du Bloc québécois, c'est clair qu'il y a une stratégie derrière ça. Uh-huh. Mais tu sais, je parle pour le commun des mortels. Mais je pense que c'est quelque chose de plus particulier à genre des milieux aussi, tu sais, parce que justement quand t'es dans un ouais. milieu militant, tu veux comme bien paraître parce que t'es quelqu'un qui est contre les oppressions, fait que là c'est en pratique, puis il y a aussi un truc où on a zéro chill avec ça. Oui. Mais tu sais, c'est correct parce qu'il y a des choses qui passent et des choses qui passent pas, tu sais. Ouais, ouais, ouais, mais c'est parce que, tu sais, le commun des mortels se promène pas en disant moi j'ai une éthique puis une morale de oui, marde. Oui, non, mais tout le monde veut être une bonne personne. C'est ça, tu sais, dans notre ouais, tête, ouais. On est toujours la meilleure personne ouais, qu'on ouais. peut être, genre, ouais, en tout ouais. cas. Ouais, ouais. Non, dans notre tête, on n'est pas toujours la meilleure personne qu'on peut être parce qu'on a tous des issues. Puis de temps en temps, ça marche ouais, pas. Ouais. Mais je veux dire, dans l'ensemble, il n'y a pas personne qui se promène en disant je suis une personne de merde, je suis ultra raciste, sexiste, misogyne, whatever. Ouais, ouais, ouais, pis... ceux qui le font, c'est des néo-nazis bien assumés. Là, c'est une autre ouais, catégorie. Mais genre, entre les deux, quelqu'un qui se fait traiter de raciste, il est comme mais non, moi je suis une bonne personne, je suis pas raciste. Mais c'est intéressant de s'intéresser à comme l'émotionnalité qu'il y a derrière ça. Parce que oui. Nous, justement, c'est beaucoup comme l'indignation puis la colère qui fait oui. Qu'on entre dans les milieux militants puis qu'on a le système de valeurs et comme qu'on réfléchit comme ouais. Ça. Mais il y a aussi des affects qui sont derrière ça, puis c'est intéressant de comme penser à ça. Tu sais, mettons, justement, sur la question du racisme, OK, Sarah Ahmed, lisez jamais ça, lisez du monde qui l'ont lu, parce ouais. Que c'est genre super tough à lire. Ah mais, ouais, ouais, ouais. Ce qu'elle dit, elle, c'est que, dans le fond, par amour de ta patrie, souvent tu vas haïr des gens qui vont... venir parce que t'es pas capable d'avoir l'empathie ou de comprendre leur parcours. Ouais. Puis tu vois juste des gens qui, genre, fuient le leur, qui viennent s'installer chez toi, mais qui ont pas cet amour-là de leur patrie, de ta patrie. Ouais. Puis que c'est ça qui nourrit comme une colère. Puis que c'est. Puis on s'entend, au final, c'est pas pour les justifier, là, c'est un manque d'empathie complet. Puis oui. Ça a pas de style d'allure. Oh, oui. Mais ça part. C'est la bulle du privilège, là. Oui, c'est ça, mais ça part de sentiments. T'sais. Puis souvent, on a de la difficulté à accéder à ça dans des conversations qu'on a ouais. Avec ces gens-là parce ouais. Qu'on ne considère pas c'est quoi le processus émotif derrière ça puis ce qui fait réagir les gens comme ça. Ouais. Puis je pense qu'une fois que... Parce que je veux dire, on parle de gens extérieurs, mais je veux dire, moi, autant ça a été un éveil politique d'être en crise après le capitalisme, d'être en crise après, parce que moi c'est sûr que je veux dire, vous venez de vous le savez tout maintenant, là, mon éveil politique majeur c'était vraiment la grève de 2012. No shit! Ben oui! Oh my god! Ben oui. C'est rare quand même. Quand même, je dois être, on est deux je pense au Québec. C'est ça. Puis tu sais, il y a eu cet éveil-là, puis après 2012, les micro-mouvements, c'est-à-dire les luttes queer, les luttes féministes, les luttes antiracistes ont commencé à... Les micro-mouvements. Ben, c'est pas... À l'époque, je m'excuse, mais 2012, il n'y avait pas de discours antiraciste, il n'y avait pas de discours queer. C'était « on est contre la hausse, point final ». Non, mais il y a un truc aussi où 2012 a permis vraiment à des réseaux militants de se rencontrer, puis à des scènes d'émerger de tout ça. Après, fait qu'en 2013, on était déprimés, mais au moins, on savait qu'ils étaient queer, genre à Montréal, mais c'est ça, au Québec en général. 2012 avait beaucoup uniformisé le milieu militant d'un point de vue extérieur à tout le moins. De l'intérieur, on savait que c'était pas vrai. C'est mais... ça. Fait que quand tout ça s'est remis en marche, puis qu'on a commencé c'était, à. C'était juste drôle ce que tu disais, les micro-mouvements comme queer, comme si le mouvement queer était juste un micro-mouvement. Oui, c'est ça, c'est je comprends que c'est comme les queer qui résultent à Montréal. En tout cas, là, d'autres départements dans la grande épicerie qu'est le militantisme. Yes! L'allée 4. Puis, justement, c'est à cette époque-là que moi, je veux dire, moi, je m'excuse, là, mais j'étais. C'est encore vrai aujourd'hui, mais je me suis beaucoup amélioré, mais j'étais dur à vivre en tabarnak, puis j'étais pas mal toxique, moi, au cégep. Puis de se faire call-out. To you. Don't you know that you're toxic? Je buvais encore, fait que bon. C'est pas une excuse, mais ça donne. Ça met en contexte. Ça met du contexte. Puis de me faire call-out, puis de voir que moi aussi, tu sais, après avoir tellement dirigé ma colère vers l'extérieur, parce que j'étais donc un activiste, genre productif et à son affaire, ça a été comme mon deuxième éveil politique de faire comme, oh, Chris. Finalement, je suis quand même une tapette blanche, puis j'ai des privilèges, puis je parle vraiment au monde comme si c'était de la merde, dépendamment c'est qui, genre, puis ça va être quelque chose à corriger, genre là. Fait que ça, c'est un autre deuxième éveil politique, puis c'est ça. Mais c'est le plus dur à faire parce qu'il faut que tu passes par-dessus le fait de t'être fait call out, puis là, il y a toute la white fragility qui rentre là-dedans. Donc, c'est une colère qui est à la fois dure pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres. Oui, la colère de se faire call out. Yum. Oui, c'est ça. Dépendamment de qu'est-ce qui te met en tabarnak. Ça révèle beaucoup sur tes privilèges. Parce que, tu sais, si ce qui t'empêche de dormir le soir, c'est que ton coloc a pas mis le rouleau de papier de toilette dans le bon sens, puis que rendez-vous de cet après-midi est 10 minutes en retard, puis que c'est la seule chose que t'as en tête, c'est peut-être que ta vie va mieux que tu pensais. Ouais, ou non, mais même juste des affaires de, comme, je sais pas, là, des gens qui veulent absolument un troisième lien à Québec, puis que c'est genre, tu sais, c'est viscéral le truc de comme. Oh, oui. Nous, on a rien, mon gars. C'est ça tout. Leur lutte politique, là. Oui, c'est ça. Puis dans un gros truc d'affect de genre, nous, on mérite ça. Puis on veut pouvoir se déplacer avec nos chars. Nanana, tu sais, t'es juste comme, OK, ça, c'est des enjeux, genre. Ou le meilleur exemple de ça, c'est quand quelqu'un call out quelqu'un d'autre politiquement. Mettons, on va dire, là, cette année à Noël, il y a une toune de Noël bien connue qui est clairement pro-viol. Genre, ça fait partie de la toune de Noël. Et là, il y a un paquet de gens qui ont jamais rien dit sur la culture du viol. Non, mais que là, on leur pète leur fun. Mais là, cette toune-là, par exemple... Ah, sacrament, ils veulent l'écouter. Tu sais, genre... Peut-être qu'il y aurait... En tout cas, moi, la toune, je me rappelle plus trop c'était quoi, mais c'était assez clair que c'était pro-viol. Là, mais comme, Baby, it's cold outside. Ouais, Baby, it's cold outside, exactement. Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, ça en dit beaucoup sur... Elles sont où tes priorités? Tu sais, c'est comme en ce moment, là, je veux dire, il y a eu... ben, en ce moment... J'espère que c'est encore le cas au moment où vous nous écoutez, mais au moment où on enregistre, on est encore pas mal dans Black Lives Matter. Ça l'a gardé quand même une grosse intensité depuis l'assassinat de George Floyd et plusieurs autres. Puis, il y a plein de gens qui n'ont jamais dit un mot sur le racisme, jamais, qui postent rien sur Facebook, nanana. Et là, chaque fois que quelqu'un se fait accuser de racisme, là, il pose des articles pour dire que il faut faire attention avec les accusations de racisme, ça va trop loin. Oui. Les gens qui vont comme jamais se positionner, puis qui vont dire qu'ils se positionnent pas, mais que clairement, dans tout... ce qu'ils postent ou ce qu'ils disent, c'est juste des trucs pour dire que, dans le fond, ça va trop loin. Voilà. Fait que, bottom line, si ce qui te met à tabarnak dans la vie, c'est de te faire peut-être ton fun, je t'invite à une introspection. Et sur ce... Je trouvais que c'est juste trop une belle manière de conclure. Je sais pas si on a d'autres matériels, mais pour vrai, on vous invite à l'introspection. Oui. Une grande méditation intérieure. Une affaire que je voulais dire en dernier, par exemple. Faut se rappeler que pour beaucoup de gens, les oppressions sont théoriques. C'est pas quelque chose, c'est comme, je veux dire, moi pis toi, on est blanche, fait que le racisme, c'est clairement théorique, pour moi, j'en vis pas. On a appris. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas grandi avec, puis avec un savoir expérientiel de ça, on l'a appris. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui lisent Le Devoir, écoutent Radio-Canada, puis Deux Fifs le matin, puis qui se pensent don de gauche. Moi, je pense que si... Qui lise le devoir, il écoute Radio-Canada puis Deux Fifs le matin. Ah, Bernard, comme si c'était genre le trio de la gauche médiatique au Québec, qui faisait de la propagande en tout cas. Oui, il y a Le Devoir, Radio-Canada, Deux Fifs le matin. Sacrement. Puis, en tout cas, tu sais, c'est ça, puis comme... qui continuent d'être comme, moi j'appelle vraiment ça des militants théoriques, genre qui sont jamais en crise, qui s'engagent dans rien, mais qui lisent des trucs progressistes, avec beaucoup de guillemets, là, je fais des air quotes en gras. Là. Ouais. Puis ça, ben, moi je trouve que justement, je pense qu'une grosse partie de ta sincérité politique, je sais pas à quel point tu peux être sincère ou pas sincère politiquement, mais moi je pense que si t'es pas réellement en crise, si ça t'a pas vraiment touché, genre au point où t'as pas dormi la nuit, ou t'as pas pété une coche à quelque part sur Facebook au moins une fois dans ta vie, genre moi je doute. Ben, je pense que c'est pas... Parce qu'on vit dans un monde horrible, là. T'es supposé d'être en tabarnak. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est tellement épuisant de rester 100% en tabarnak tout le temps. Je trouve que c'est correct aussi de faire du lâcher-prise. Je pense juste que le moment où ça devient juste des enjeux d'intérêt, de conversation, de comme militantisme, de salon, de genre en termes de rhétorique, t'es capable de comme tenir tout ça, mais genre actually what's up, qu'est-ce que tu fais, puis t'es-tu capable aussi de confronter des gens puis de pas juste disserter avec des gens qui sont d'accord. Moi c'est beaucoup là que je suis comme ok, mais t'sais, what are you actually doing? Oui, de toute façon on va revenir comme sur les effets néfastes de la colère, parce qu'il y en a quand même, on peut pas tout le temps, comme tu viens de dire, il y a des effets secondaires. Qui sont un peu plus que l'écume sur le bord de la gueule. Sur ce, on s'en va mettre le feu dans un second cup en criant latte, cappuccino, pas de café pour les fachos. Ah, et on vous revient. C'est tellement bon, c'est bon ça. Puis on vous revient dès qu'on a terminé de détruire le patriarcat. Piou. Malheureusement, le patriarcat est encore aussi omniprésent et raffiné que le café instantané, mais on s'en est quand même versé une tasse pour se rappeler que même dilué, l'instant et le patriarcat restent toujours amers. On est quand même overcaféiné, non? Yes. Juste un peu. Tout le temps. Alors, il y a probablement mille et une façons d'invalider la colère de quelqu'un. I love that. T'aimes ça, invalider la colère des gens? Invalide me daddy, genre. Ah! Tabarnak! Et c'est bien malheureux. Alors, on va quand même en explorer quelques-unes. La première, et c'est probablement celle que j'haïs le plus, c'est ce qu'on appelle en anglais le tone policing. Oh my God! Comment qu'on traduirait ça, tone policing? Genre le... Moi, je vois juste ma mère qui dit « sois poli ». Ouais, tu sais. Quand t'as sait qu'elle a tort. Ouais, ce serait plus... Ben, c'est juste une stratégie dialectique vraiment pauvre de juste attaquer. Sur Wikipédia, comme... dit c'est une attaque ad hominem. Bon, on a sorti notre latin, tu sais. Fait que c'est ad hominem, c'est... Une attaque contre la personne. Merci. Chris, moi, j'expecte ton latin d'être à jour. Mais non, mais regarde. Surtout quand je viens de dire une phrase comme « j'expecte ton latin d'être à jour ». mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est vraiment juste s'attaquer à comment la personne dit quelque chose. Puis surtout en faisant appel au fait que la personne est émotive. C'est pour être fâché, là. Oui, moi, c'est je... ça. Non. C'est ça, comme si il fallait absolument rester sur le neutre, puis être posé, puis tu sais, sur... quand on... parce que sinon les arguments sont pas valides, alors que les arguments sont, que ce soit dit en caps lock ou en minuscule, c'est le propos, en fait. Oui. Puis, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir aussi sur les internets, par ce qu'on appelle les gestionnaires de communauté, là, les gens qui gèrent des pages, qui sont modérateurs, modératrices dans des groupes, des affaires de même. Et je vais donner un exemple bien personnel, parce que j'ai toujours un exemple où j'ai pété une coche puis quelqu'un m'a envoyé chier, c'est clair. Une coche par jour, et le médecin pour toujours. V'là pas long, l'organisme bien connu communautaire de Montréal qui s'appelle Réseau. Je tiens à dire, je raconte cette histoire-là, mais genre, j'ai parlé avec Réseau, tout est chill, allez pas, genre, écrire des emails de haine à Réseau. Là, ça moi, j'étais comme wow, word pushing, genre, on fait notre lavage en famille. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça a été réglé, mais je vous raconte l'histoire quand même parce que c'est important. Parce que c'est important. C'est important. Je l'ai vécu. Alors, moi, je m'excuse, mais s'il n'y a pas déjà un livre à propos de ça, je suis un peu surpris. Réseau publie un article comme quoi, disant grosso modo que ça serait important de fournir de la drogue de qualité aux gens qui ont des problèmes de dépendance en temps de pandémie, parce que, on en a déjà parlé à l'émission, la drogue en ce moment est épouvantable, le monde fait des overdoses de fentanyl, ça va pas bien. Et il y a quelqu'un en dessous qui a juste écrit « Moi, je m'en occuperais pas, je ferais rien que les laisser aller, puis qu'ils s'arrangent, c'est leur faute. » La personne qui a écrit ça, elle a pas sacré, elle a pas insulté personne, elle a pas techniquement, hein, c'est un beau commentaire avec une opinion dedans. Je mets des guillemets en ce moment. Et là, moi, bien entendu, j'y ai répondu avec la douceur d'un gant de crin et d'un massage fait avec une râpe à fromage. Puis, j'ai déversé tout mon fiel en... Signature spéciale JSPV. Oui, voilà, oui, en le traitant d'esti d'imbécile. Et tout de suite après, Réseau a commenté en dessous, les personnes en situation de dépendance, c'est important. Toutefois, on peut parler dans le respect. Et ensuite, ils m'ont écrit pour me demander de retirer mon commentaire parce que c'était pas assez poli. Alors, je vous explique un peu pourquoi c'est un problème ici. On a quelqu'un qui, basically, est en train de nous dire « Laissez les personnes en situation de dépendance mourir. Ouais. » C'est pas mal ça, le bottom line. Genre, occupez-vous-en pas, laissez ça, genre, c'est des déchets, laissez ça ailleurs, puis on s'en occupe pas. Et moi qui réponds, c'est considéré comme étant violent. Je m'excuse, mais la personne qui dit « Laissez-les mourir, là », c'est pas non-violent. C'est infiniment plus violent. Je sais qu'il n'y avait pas de sacre pis d'insulte, là, mais c'est horrible comme mentalité. Puis après ça, c'est sûr que Réseau m'a répondu comme si, en parlant de comment débattre un peu, hein, c'est important de débattre dans le respect, blablabla. Écoute, pour quiconque me répondrait ça, ce n'est pas un débat. Je ne suis pas venu débattre. Je suis pas venu ici échanger des idées puis écouter ta calisse d'opinion. Non, c'est pas ça que je suis venu faire. Je suis juste venu... communiquer mon émotion et te mettre dans la face que quand tu dis des affaires de même, les gens vont pas nécessairement rester silencieux ou silencieuses. Oui. Les gens vont réagir et avec raison. Fait que c'est un peu ça pour le tone policing. Voyez-vous un peu comment ça peut être sournois que parce que quelqu'un qui réagit à un commentaire qui a crissement pas d'allure, on va lui dire fais attention, il faut débattre dans le respect. Puis il faut aussi ajouter sur le tone policing que c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui. Que ce sera jamais weaponized contre eux. Ouais. Comme genre les gars straight. Ouais. Genre, jamais personne. Alors que les gars straight sont les plus crybaby ever, là. C'est que eux autres, ils pensent que la leurs émotions. Crise de masculinité. Oui, mais que leurs émotions incarnent la neutralité, tu sais. Tandis que le moindrement que t'es genre une femme, une personne queer ou whatever, là, t'es tout le temps comme trop émotionnel, tu prends les choses trop au sérieux, puis là, tu vas te faire prendre pas. T'es trop sensible. C'est combien de fois tu t'es fait dire ça, là? Puis c'est aussi un moyen pour eux autres d'utiliser leurs privilèges pour shut down les gens, en fait. Ben oui. Ben oui, parce qu'il n'y a que le gars straight qui a le droit d'être fâché tout le temps puis de communiquer par tabarnak de calice. Ouais. Alors, donc voilà pour le ton de policing qu'on retrouve, c'est ça, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi dans les discussions, soit poli, change de ton, des affaires de même. Puis tu sais, comme, à l'inverse, je vous invite quand même des fois à passer au-delà de la colère de la personne puis essayer d'écouter ce qui se dit là-dedans puis de comprendre d'où vient cette colère-là. On en a parlé dans la première partie, genre c'est peut-être le racisme, c'est peut-être le cissexisme, c'est peut-être le capacitisme, mais genre, il y a des choses en ce moment dans la société qui nous donnent d'excellentes raisons d'être crissement de the edge. On pourrait appeler ça « white fragility » en général, mais je pense que c'est vrai beaucoup en Occident. En tout cas, c'est très vrai au Canada. La peur générale de la confrontation. Ah oui, mais ça, c'est un truc full nord-américain. Là. Ça, là. Ouais. Ça, là, au point où... La culture du consensus. Ouais, c'est ça. On dit la même chose, mais pas de la même manière. Oui, « agree to disagree ». Ouais, on dit la même chose, mais pas de la même manière. Je suis comme, non, girl, on dit des choses absolument diamétralement opposées. Genre, aucune ressemblance, là. Ouais, ouais. C'est assez désagréable parce que, surtout, nous, en tant que blancs et blanches, on a beaucoup besoin de se faire dorloter. Oui, de se faire prendre par la main et de se faire dire, non, mais c'est pas toi, c'est pas grave, puis c'est correct, puis ça va bien aller. Ceci étant dit, il faut juste que je te dise que, mais c'est vraiment pas grave, puis t'es quand même une bonne personne. Oui, c'est ça. Ou de passer par un médium, genre, tu sais, je veux dire, l'exemple le plus connu, c'est « Mes voisins font du bruit, j'appelle la police ». Oui. Ah oui. Oui. What the fuck? Est-ce que tu vas cogner chez tes voisins? Oui, les gens veulent pas se parler. Ils veulent référer à une autorité. Va parler à ton voisin, ta voisine. Ouais. Fait que, ça, c'est une partie de la peur de la confrontation qui nous amène trop souvent dans « appeler la police » en général. Ouais. Et... Mais pas juste ça, c'est le fait que ça devient lourd de « call out » quoi que ce soit, parce qu'après ça, il faut que tu gères les émotions de la personne vraiment plus que... gérer la situation. Tu sais combien de fois... Attends, il y avait un meme, là, c'était genre rough, là. C'était c'était juste comme un gars en petite boule puis une fille derrière qui lui flattait le dos puis c'était comme... J'ai dit à mon chum qu'il avait pas respecté mon consentement mais maintenant je dois le consoler parce qu'il veut pas être un agresseur. Ouch! Ouch! Ouais, exactement. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, les gens qui ont plus peur de se faire traiter de raciste que d'être raciste. Non, c'est ça. C'est très, très, très désagréable. Ouais. Puis, justement, tu sais, ça prouve ton degré de privilège parce que moins t'as de privilège, plus t'es susceptible de péter une coche à quelqu'un à un moment donné. Mm. Si tu comprends pas le mécanisme qui est derrière ça, c'est probablement que tu vis dans une bulle aseptisée de tous les problèmes de ce monde, ou encore là, que tu n'as peut-être pas juste eu la chance d'avoir une éducation politique. Fait que... Ou que tu veux juste pas les regarder aussi. Oui, mais... oui. Du moins que c'est pas une question de pas avoir la chance. Puis, je pense que la peur de la confrontation est à la base de ce que moi j'appelle le renversement le pernicieux du la lutte est importante, mais... Et ça, on voit souvent ça, genre, mettons, quand il y avait, je mets des guillemets, des manifestations violentes aux États-Unis pour les manifestations pour les droits des Noirs et pour leur survie. Les gens étaient comme, la lutte contre le racisme est importante, mais la propriété privée. C'est l'inverse. Faut dire l'inverse. C'est dommage que la propriété soit démolie, mais la lutte contre le racisme est plus importante. Also, est-ce que c'est si dommage que ça? Non! Je ne pense pas, mais... Péter toutes, là. Mais tu sais, si vraiment vous n'êtes pas du bord de la violence ou de tout péter, genre, faites le renversement. Genre, c'est pas la lutte contre le racisme est importante, mais la propriété privée, non. C'est dommage, la propriété privée, mais la lutte pour le racisme est plus importante. Mais tu sais, ou juste des trucs comme ce serait le fun d'avoir, de pas avoir de raison de péter des affaires, mais là, on en a, tu sais. Ouais. Genre... On aimerait bien ça pour avoir à faire ça, guys. Il n'y a pas personne qui fait ça par plaisir. Là. Surtout pas, tu sais, je veux dire... I mean, pour vrai, moi, si je pouvais le si on pouvait line-up des vitrines de banque pour le fun puis juste les péter, bitch, I'd be there, là. Moi, j'espère qu'après le grand soir, là, quand tout ça sera renversé, là, genre, au lieu d'avoir comme du paintball, des activités de même, il va y avoir juste des activités où ils vont recréer des fausses vitrines de banque, ouais. Puis que tu vas juste pouvoir pitcher des pavés, mais parce qu'il n'y en aura après plus après le grand banque. Soir, il n'y aura plus de banque, on va démolir celles qui existaient mais avant. Mais c'est puis... ça, mais on va récupérer les vitrines pour les mettre dans des centres où on va faire pas payer les gens pour qu'ils puissent rentrer, puis juste comme se rappeler le bon vieux temps où on pouvait pitcher des pavés dans des banques sous le capitalisme. Fait que là, c'est quoi? On va faire des manifestations symboliques contre le système qui était là avant. Hey, en tout cas, tout ça, ça en vient trop compliqué, là. Non, mais ça va être du divertissement. Oui. Anyways. Mettez-moi secrétaire général du parti, mais vous réglez ça va être le fun. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, comme, gardez tout le temps en tête qu'à un moment donné, c'est tout le temps les opprimés qui ont le plus à faire. Ah. Fait que c'est normal que ces personnes-là soient fâchées. Genre, tu sais, comme juste récemment, là... au moment où on enregistre, au moment où ça va être diffusé, ça va faire un petit bout. Mais tu sais, comme en ce moment, il y a Mado Lamotte qui s'est fait caller out sur Facebook pour avoir porté un afro. Et t'avais comme deux situations. T'avais des personnes blanches qui taguaient des drag queens noires pour avoir leur opinion. Oups. Parce que bien sûr, mettons dans cet exemple-ci, c'est important de faire en sorte que les personnes noires nous offrent du travail, d'enseignement bénévole ouais. Et viennent encore une fois nous dorloter, nous donner leur opinion, ouais. Nous ouais, donner ouais, le ouais. Pouls de la situation. Genre, non. De toute façon, au moment où on se parle, là, si t'as pas eu toute l'information dont t'avais besoin. Ben surtout comme en tout cas, si tu slides dans les DM de ton ami noir pour savoir ce qu'il en pense, déjà je trouve ça un peu gênant, mais ouais. Je vais taguer la personne devant tout le monde, je suis comme hey gang. Non, non, là, sérieux là. Sérieux, c'était vraiment lourd. Puis la deuxième réaction qu'on avait beaucoup, c'est t'aurais pu aller y parler en privé. Parce que bien sûr, il faut. Ben là, en tout cas, je vais revenir plus loin sur faire attention que notre colère ne devienne pas du virtue signaling, comme on dit en anglais, là, juste de la performativité de notre militantisme puis de montrer à tout le monde qu'on est donc en crise. Mais il y a un truc aussi où, genre, c'est vrai que Mado, là où elle est rendue dans sa carrière et sa notoriété, genre, elle va-tu t'écouter si tu dis ça, tu sais? Ouais. C'est-à-dire que, genre, c'est vrai. En tout cas, je trouve que les gens qui dénoncent la cancel culture comme Just Kidding Rolling, qui est genre. Oh my god, I'm being canceled, genre la liberté d'expression, pis tout, alors qu'elle est milliardaire. Je suis comme shut the fuck up. Oh oui. C'est juste que c'est vrai que si c'était whatever white queen qui a genre 2 ans de carrière, qui est comme pas très notorious, pis tout, ça sert à rien de comme la drag on the internet, parce que c'est vrai que tu peux juste comme lui dire comme girl, please don't. Voilà. Voilà. C'est juste que c'est vrai que genre Mado, au final, genre, est-ce que t'as accès à elle, est-ce que tu peux lui dire, est-ce que ça vaut plus la peine, genre. Mais, justement. Je lisais, je pense que c'était un article, c'était certainement pas un meme, mais je me rappelle c'était un long texte. Puis justement, ça parlait de tu sais, on voit beaucoup ça, là. Mettons, moi, je m'en vais sur mon Facebook, puis je suis comme, en tout cas, si tu penses que la vague de dénonciation, c'est une chasse aux sorcières, puis que tu penses que Blue Lives Matter, moi, je te bloque de mon Facebook, puis je te supprime. Puis je lisais un article qui était comme, faites attention, les personnes blanches, parce que techniquement, même pas techniquement, c'est votre job. Ouais, là, vous êtes au front, là. Oui, c'est ça, là. On n'est pas les alliés des personnes noires dans la lutte antiraciste. On a créé le problème, là, c'est notre problème, en si fait. Si tu crisses la marde dans un hôtel, puis que t'aides la femme de ménage à faire du ménage, ou l'homme de ménage à faire du ménage, là, t'es pas un allié, tu fais juste ramasser ton mess. Ben, c'est la même affaire dans le racisme. Ouais, c'est nous qui avons. C'est notre job de régler ce problème-là. Ramassez votre Airbnb avant de partir. Voilà, tu sais, même chose avec l'homophobie. C'est la job des hétéros de s'éduquer puis d'arrêter d'en faire. Genre, à un moment donné, genre. Ouais. Ça devient fatigant. Fait que donc, justement, c'est ça. Faites attention de pas trop embarquer dans Je suis une personne vertueuse et qui va juste éliminer les mauvaises personnes de mon Facebook. Des fois, en même temps. Je comprends aussi que. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui comprend aussi c'est quoi le reach limité de Facebook puis de se pogner sur Facebook avec les gens. Puis qu'au final, t'as vraiment plus de leverage avec tes milieux proches, comme ta famille. Ou genre. Puis qu'en termes d'amitié, c'est vrai que c'est difficile de développer des longues amitiés profondes avec des gens avec qui, genre, politiquement, il y a des schismes irréconciliables, tu sais. Parce que c'est vraiment plus avec la famille où, genre, ben oui, il y a des affaires qui sont irréconciliables, mais étant donné qu'on s'aime, on est capable de faire le travail, puis qu'ils viennent faire le travail de notre bord, tu sais. Et dernière, il y en a plein d'autres façons, mais moi, il y a une des façons d'invalider la colère et qui est la façon qui me fait lever le poil de ses bras puis qui me met le plus en tabarnak, c'est ce que j'appelle la positivité toxique. Oh my God, love her. Love. Ça va bien aller. If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Sois positif, la négativité, ça l'amène rien. Quand tu fais ça, t'es comme ce que tu dénonces. Moi, c'est une excellente histoire que je veux raconter. On était à la manif, je pense que c'était quoi, c'était le 25 septembre, là, quand Greta était à Montréal. Là. Oui, Sainte-Greta. C'est ça. Fait que là, sacro-sainte Greta, l'idée de la manif. Puis là, on était avec Justin Trudeau qui manifestait contre son propre gouvernement. Puis, à un moment donné, c'était juste le speech à Greta, tu sais. Puis là, genre, on était fatigués, on s'est juste assis à terre, tu sais. Puis là, genre, moi, puis Chacha, on fumait une clope. Puis il y a juste un hostie de boomer, là, tu sais, avec les cheveux, genre, grisonnants, mi-longs, là. Qui a un peu l'air de Richard Séguin, là, qui se retourne. Qui dit. Qui se retourne, puis qui dit. Ouais. Je frappe aux portes du matin. Non, qui fait juste comme, en tout cas, fumer ici, pas vraiment, faut que vous soyez cohérent avec ce que vous dénoncez, qu'on était comme, femme, ta colisse de gueule, je peux-tu fumer ma clope, là? Genre, tu sais, c'est pas clairement c'est pour c'est ironique de manifester pour l'environnement avec des pancartes en papier. Oui, c'est ça, que j'étais juste comme, bitch, genre, laisse-moi gérer mon botch que, genre, je mets dans mon sac qui pue anyways, genre. Oui. Puis comme, pour vrai, on a d'autres problèmes. Parce que bien sûr, c'était pas de la positivité toxique, c'était juste moi qui derail pour raconter cette anecdote-là. Non, mais justement, l'idée que faudrait toujours répondre à quelque chose de négatif de façon positive et de façon genre. Je ne vais pas émettre de fumée de cigarette. Et nanana, je veux dire, nothing. Il n'y a rien d'éthique en régime capitaliste. Là. Peu importe, genre, c'est impossible de ne pas se contredire en tant que militante. Viens pas me voir pour me dire que j'ai un téléphone intelligent, même si je suis en capitaliste. Ça, c'est niaiseux, tu sais, parce que je veux dire, t'es au final. Genre, c'est pas que s'il n'y avait pas de capitalisme, on n'aurait pas de moyens de communication comme ça. C'est juste un truc de comme là, ça a été fait en exploitant le travail de d'autres, puis on en aurait juste sans exploiter le travail de personne. Oui, c'est ça, ça serait possible, oui. C'est ça, là. Puis... Parce que des fois, les gens sont vraiment... ont vraiment une vision de l'abolition du capitalisme qui est primitiviste, de comme on va, genre, revenir... Oui, on va tout raser. Chasser, cueillir, puis genre... On va tout raser puis on va tout genre tomber à l'état pré-néolithique. Il n'y a pas de, y a pas d'agriculture. On est tous à peu près aussi intelligents que Richard Martineau. C'est un gros retour dans le temps. Ah oui, là. Puis l'affaire, c'est que quand tu demandes aux gens des dons positifs, puis on dit là comme du monde, nanana, ce que tu demandes à des. Là, tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même assez privilégié. Fait que tu sais, c'est vrai que des fois, je pourrais me checker le ton puis prendre ça plus relax. Mais tu sais, t'es peut-être en train de demander à quelqu'un qui vit du racisme, du cissexisme, des affaires de même, de faire encore plus de travail émotionnel. La personne a déjà pris le temps d'être en crise après toi puis de te le dire. Elle aurait pu juste te bloquer sur Facebook puis plus jamais t'en parler, mais elle a pris le temps de dire « Hey, tabarnak, ce que tu viens de dire, ça n'a pas d'allure, t'es un esti sans dessin. » Là, t'es comme « Ah, ben là, il va falloir que tu me le dises mieux que ça, par exemple. » OK, genre, fait que là, faut que la personne, elle t'éduque. Faut qu'elle fasse poliment. Faut qu'elle te cuddle, faut qu'elle te sorte des articles. Ouais, puis je trouve que la positivité toxique, il y a beaucoup aussi un truc de comme on a tellement d'avancées. On est tellement bien. On est tellement bien. Tu sais, mettons, comment que le mouvement gay, là, on peut se promener main dans la main à Montréal sur Sainte-Catherine, ça va tellement bien. Ou genre, le plafond de verre a été fracassé par Pauline Marois. On vit dans un Éden féministe. Voilà. On vit dans une société matriarcale désormais. Non, mais c'est ça. Puis là, il faudrait être positif puis content. Puis t'es comme bitch, genre, look around. Hashtag le dernier gay, là, c'est pas mal. Si tu nous entends, on pense à toi moins souvent possible. Donc, sur ce, nous, on va aller se chercher un café en essayant de trouver le premier gay pour essayer de contrebalancer ça. Puis on vous revient over café mini. Piu, piu! Donc, Michel Girouard, on t'a trouvé. On a trouvé la source, la racine de l'homosexualité au Québec. C'est le premier gay. Le premier gay. C'est le premier gay. Bon, là, on a parlé des sources de la colère. Oui. On a parlé de, des mille et une façons d'invalider la colère. Uh-huh. Je voulais parler rapidement d'un concept qui est quand même assez connu dans le milieu militant, qui s'appelle la diversité des tactiques. On aime-tu ça, la diversité, oui. Nous autres? Parce que c'est correct de ne pas être en crise, de ne pas être, entre guillemets, pro-violence. Il n'y a personne qui est vraiment pro-violence, là, mais c'est correct, mais c'est important de ne pas invalider ça. C'est important de savoir que c'est pas un ou l'autre. Ça... C'est un et l'autre. Tout en même temps. Tout en même temps. Mais c'est vrai, tu sais, parce que dans le fond, c'est improductif si on se met à se police sur comment qu'on lutte oui. ensemble au lieu de tout le monde lutter en même temps, oui. puis d'accepter qu'il y a des gens qui vont s'organiser puis agir de manière différente. Oui. Tu sais. Tu sais, même, je pense à... je vais aller plus loin encore que les carrés rouges. Les manifestations du G20. Yes, bitch. Il y avait des zones yes, où les gens étaient comme, OK, ça, c'est la zone rouge, c'est du black bloc, ça va péter les vitres, c'est là que ça se passe. La manif familiale, elle est de ce côté-là. Amenez vos poussettes et vos ballons. Ouais. Et la désobéissance civile soft, c'est plus dans cet endroit-là. Serrez-vous ouais. les coudes et résistez le plus longtemps que vous ouais. pouvez. Ouais, ouais. Fait que vraiment, c'était comme, choisis ta tactique. Mm-hmm. Les trois vont se produire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Les trois existent de toute façon, mais ils vont toujours exister. Ouais. Puis, je veux revenir un peu sur ce que les gens disent souvent pour invalider la violence. Il y a beaucoup de gens qui vont nous sortir le Dalai Lama. Oh, girl! Parce que, bien sûr, les Tibétains, oh, les Tibétaines... Oh, girl! Oui, oui, MLK, genre... Ben là, c'est ça, exactement. Là, les gens Nelson vont nous sortir... Mandela. Nelson Mandela. Vont nous sortir Martin Luther King. Martin Luther King n'a jamais condamné la violence, bien au contraire. Pendant qu'il y avait le mouvement des droits civiques, entre très gros guillemets, mené par Martin Luther King, guillemets. Il y avait bien entendu les Black Panthers à l'époque qui étaient beaucoup plus radicaux et radicales. Ouais. Donc, tu sais, même Gandhi, esti. Gandhi. Combien de fois ils ont sorti Gandhi en esti d'Assemblée générale? Il y a une armée tibétaine, il y en a eu une, en tout cas, parce que ça va vraiment pas bien pour eux autres en Chine, là, ni pour les Ouïghours, d'ailleurs, on le mentionne. Mais, genre, il y en avait une armée. Là. C'est pas vrai que le Dalai Lama, il est juste passé partout en faisant signe de paix, puis ça a été juste ça qui s'est passé. Mm-hmm. Là. C'est complètement faux, c'est historiquement inaccurate. Et partout dans l'histoire, on se rend compte que ça a toujours été un mélange des deux, genre. Ben, puis c'est intéressant parce que récemment, il y a eu beaucoup de share de, des Black Blocs qui étaient dans des manifs de Black Lives Matter oui. qui faisaient du grabuge. Oui. Puis aussi que ben, ces personnes-là étaient blanches. Puis, t'avais des vidéos de personnes noires qui les arrêtaient, qui étaient oui. comme « Non, faites pas ça. » Puis, oui. je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de layers à ça parce que c'est vrai qu'au final, quand t'es en posture de privilège, il faut que t'attendes que les gens qui mènent la manif callent la shot. Oui, effectivement. Puis, c'est ça qui est respectueux à oui. faire. Ceci étant dit, tous des discours de comme « Non, c'est pas ça qu'on fait dans les manifs de Black Lives Matter », je suis comme « Pour vrai, quand les personnes noires vont décider que genre ils pètent tout, vous êtes mieux de les soutenir. » Oui, là. Oui, c'est oui. Tu sais, comme, je comprends que c'est à eux de décider oui. qui le fait puis pourquoi. Puis que tu peux pas juste. Oui, parce que c'est pas avec... notre place. Ouais, mais en même temps. De take over la manif. Ouais, pis... mais tu sais, si ces gens-là avaient des ties avec Black Lives Matter, puis que les gens étaient comme, ouais, on a besoin de gens qui sont capables de faire ben oui. up, puis que ça aura moins de conséquences pour eux autres, parce que souvent pour des personnes oui. noires, la violence est décuplée. Tu sais, mettons qu'il y aurait ça, je suis oui. comme, ben oui, allez-y, tu sais. Là, on sait pas, on n'a pas de preuves, je sais pas. Moi, c'était plus dans un truc de comme les discours qui invalidaient la violence oui. des manifs-là. Je trouve que ça enlève full d'agentivité au mouvement, comme si, oui. genre, dans le fond, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est juste être. Pacifique, bien paraître, oui. se faire donner des concessions symboliques. Alors que non, là, moi, s'ils décident qu'ils cassent tout, je suis comme fuck yeah, la gang. Là. Parce que là, on parle de Black Lives Matter, mais c'est vrai pour le mouvement queer, c'était vrai en 2012, c'était vrai, peu importe l'année ou la manifestation, c'est jamais uniforme. Genre, nous autres, les tapettes, on n'est pas tous d'accord sur comment obtenir nos droits, c'est pareil dans n'importe quelle manifestation. Mm-hmm. Là où c'est vraiment important, ben, c'est ça, c'est de reconnaître ces actions-là quand même comme étant valides, puis d'essayer de les comprendre plutôt que d'aller sur la place publique dans les médias, puis de dire. Ah, oh, mais là, non, ce n'est pas nous. Mais ce sont des casseurs et des casseuses qui ouais. ont infiltré la manifestation. Généralement, les gens qui infiltrent la manifestation pour casser, c'est la police. Oui. Puis là, c'est pas une théorie du complot. Là. C'est prouvé que la police envoie ouais. des agents provocateurs et des agents de provocatrices, mais c'est surtout les gars qui pour péter des affaires puis starter à marre. Puis aussi, il y a un truc de comme. De gérer par l'image, puis une manif qui paraît bien, puis oui. qui est pacifique. Je veux dire, ils vont nous rentrer dedans, même si on est pacifique. Ah, oh, Chris, oui. Oui, oui, c'est ça. Ben il y a oui. Il y a un truc aussi où ça donne rien d'avoir les médias de notre côté. Les médias, ils sont déjà a priori contre nous autres, puis c'est en mettant plus de pression. Oui. Puis la preuve en a été faite très choses. Récemment. Là, il y avait plein de manifs aux États-Unis, puis parce que la violence avait beaucoup diminué, puis c'était des manifestations plus pacifiques, Puis personne n'en parlait des médias. Yep. S'il n'y a pas des vitres qui ont pété, bien souvent les médias n'en parlent même pas. Fait que, tu sais, au final. C'est une hypocrisie systémique. Oui, oui, oui. Puis est-ce que cette violence-là est si inutile que ça, tu sais? Ben non. En tout cas, ça a prouvé que ça fait bouger bien des affaires. En tout cas. On dit ça, on dit rien, on là. On dit ça, on dit rien. On dit ça, on dit rien, mais on n'a jamais rien gagné avec des sit-ins. Avec seulement des sit-ins. Est-ce qu'on a déjà parlé sur le podcast du footage de moi dans Carré Rouge sur fond noir? On n'a pas besoin, on est sur YouTube, mais de toi qui dis pépé, on s'assoit à terre devant la police? J'ai pas dit pépé! Non, mais t'as dit ça. Bah oui, bah oui. Non, ok, fait que dans le fond, si je. Puis, je veux dire, saison 2, on a le droit de radoter, là. Je veux dire, on est sur la deuxième saison. Au pire. Mais oui, il y a vraiment. J'avais 19 ans, c'était le début de la grève, on était en lockout à Saint-Lô, tu sais. Puis là, il y avait des caméras, là, qui filmaient, mais moi, je savais pas. Moi, j'ai une grand gueule. Puis là, la police arrivait, puis moi, je faisais juste dire à mes chumés, ben relax, genre, oh my god, pas de trouble, on a rien qu'à s'asseoir, ils pourront rien faire. Puis là, après ça, le edit cut sur genre. La personne de l'ancien qui était là puis qui organisait qui était comme c'est la pire chose oui. à faire oui. on s'assoit pas on oui. se tient genre ils vont nous varger tout pareil c'est ça, ça. On a tout eu ce moment là je pense oui mais moi il a été caught on tape oui très malheureusement enfin en tout cas rappelez-vous tout le temps que c'est correct d'être pacifique ça dérange pas mais commencez pas à faire la police du mouvement ouais c'est ça ça c'est important. Ensuite, là, je voulais un petit peu plus explorer les endroits hein, où la colère et la violence se propagent. On a beaucoup parlé des manifestations, fait qu'on n'y reviendra pas. Mais sur les réseaux sociaux, toi, oh girl. T'es-tu... Ouais. Moi, je sais que t'es pas le genre à trop embarquer de débats Facebook. Moi, c'est pas healthy pour moi. Non? Moi, je peux... C'est pas healthy pour personne, mais c'est le fun. Ben, oui, mais moi, je vis pas de fun par rapport ouais. à ça. J'ai pas... Puis, je trouve que... Ben, ça dépend. T'sais, moi, il y a des shit sur lesquels je peux embarquer, là. Tu sais, mettons... c'est genre une page de mime de TS, là, genre... Travail social? Ouais, okay, de oui. travailleurs sociaux. Que genre, la personne qui gère la page avait fait une joke de genre... je pense la COVID, ça se propage comme l'herpès au Beach Club ou quelque chose de même. Oh my God, là, j'avais juste moi. Fait un truc de comme, OK, mais tu sais... Puis moi, ça me fait chier quand des gens que je présume straight, genre, trouvent ça donc drôle de, genre, faire des références à des ITSS comme si c'était, ouais. genre, la pire affaire que faire avec quelqu'un. Puis moi, j'ai travaillé en santé sexuelle pendant, genre, des années. Puis aussi, quand c'est une conversation que j'ai l'habitude d'avoir. Puis je suis comme, Chris, on peut-tu arrêter de shamer ça, ouais. tu sais? Fait que moi, pour des affaires de même... Genre, ça me dérange pas de step in pis d'être plus dans une posture de comme, OK, mais tu sais, ça a pas rapport. Ouais. Je trouve. Mais je choisis mes combats, là, mais avec parcimonie, là. Juste parce que je trouve que. Ben, moi, en général, tu sais, juste avoir des conversations par texto, quand c'est des sujets importants qui méritent. C'est long. Une discussion en profondeur, je suis comme, on va voir ça en personne. Ouais. Alors que toi, hein? Moi! Ah! Moi, Facebook, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. En partie, tantôt, j'ai fait la joke quand j'ai dit « Virgo, don't start drama, but end it ». Genre, je suis parmi les rares personnes sur Facebook qui se sont fait dire « Hey, finalement, sais-tu quoi, t'as raison ». Ça m'est arrivé quand même souvent. Et yes. Au prorata de la marde que je crée sur Facebook versus les victoires, je t'avouerais que j'ai beaucoup plus de défaites, là, mais c'est arrivé des gens qui sont finalement venus m'écrire en privé qui étaient comme « Hey, sérieusement, au début, je te trouve intense, mais finalement, je pense que t'as raison. » Ouais. Ça m'est arrivé quand même souvent. Ce qui m'énerve, par exemple, c'est les gens qui sont comme « Ah, Internet, les réseaux sociaux, c'est tellement polarisé. » Écoute, personnellement, là, les réseaux sociaux, c'est pas un monde extérieur dans une... Le monde dans lequel on effectivement, vit effectivement. Est très polarisé. C'est vrai que c'est plus facile derrière ton clavier de répondre à du monde, mais pour les gens qui me connaissent, je le fais aussi en personne. Ben, oui, non, c'est, oui, c'est pratique dans toutes les sphères de ta vie, c'est sûr. Oui! Mais je trouve ça difficile d'être la personne qui pop sur le post de quelqu'un to disagree quand oui. genre t'es pas nécessairement actif sur la page de la personne oui. ou c'est pas quelqu'un que t'as rencontré. Fait que tu sais, comme, je trouve que c'est compliqué. Ceci étant dit, c'est vrai que moi, en personne, j'en laisse pas une passer. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est délicat sur les médias sociaux parce qu'il faut vraiment... puis moi, je suis quand même... je suis quand même partisan d'une approche de genre... d'éduquer patiemment, oui. nanana, surtout parce que surtout quand c'est des enjeux qui me concernent pas, puis que ouais, ben c'est ça, j'allais dire. J'ai moins la légitimité dans tabarnak, puis je suis comme, OK, si on oui. va faire ça, c'est juste que je trouve que c'est extrêmement compliqué oui. à l'écrit. C'est pas évident. Moi, c'est sûr que, surtout à cause de grâce ou à cause de Deux Fifs le matin, c'est sûr qu'il y a bien du monde que je connais pas qui m'a ajouté sur Facebook. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a une couple de personnes là-dedans qui regrettent. Là. Ah! Parce que moi, que je te connaisse pas, que whatever, genre, t'as écrit ça publiquement, t'as décidé que t'étais mon ami Facebook. Oui, c'est que tu réponds à ce que tu dis oui, publiquement. C'est vraiment, c'est bien dommage. Yes. Mais comme tu dis... Virgos keep you on check. Mais comme tu dis, justement, ça arrive pas tout le temps, parce que des fois, je suis dans un bien mauvais mood, mais... Si c'est pas, mettons, je parle de racisme, puis c'est pas quelque chose que je vis, ben je vais essayer de plus être en mode éducation, nanana. Mais bon, faut dire que moi, je suis vraiment un dry texter. Là. Peu importe comment j'écris, oui, ça sonne comme va donc chier. Oui. En tout cas, moi, j'ai l'air bête de dos. Hein, fait que c'est ça. Malheureusement. Puis, fait que je suis d'accord. Il faut faire attention à l'intensité qu'on porte à des sujets qui ne nous concernent pas nécessairement. Bon, les manifs, je l'ai dit, on en a parlé. Dans la famille. Oh. C'est pas facile de se mettre en crise puis de dire « Hey, ce que tu viens de dire, ça passe pas. » Ben, c'est surtout, ça dépend de quelle relation tu as avec ta famille. Tu sais, mettons, moi, les gens de ma famille proche que je vois super souvent, c'est des « ongoing » conversations. Okay. Je trouve que, tu sais, de péter des coches sur des choses précises, des fois, on n'a pas le choix, il faut que ça sorte. Ouais. Mais il y a aussi un truc « ongoing » de si tu donnes les bases un petit peu par petit peu, ouais. Je trouve que c'est plus facile après ça de... revisiter des choses qui ont été dites puis de faire comme « Ouais, mais tu te souviens, on avait dit ça. » Puis je pense que ma famille que j'aime et pour qui je care, je veux absolument qu'on puisse avoir ces conversations-là. Ouais. Ceci étant dit, tu sais, moi, je sais pas, il y a la moitié de ma famille qui est au Saguenay puis que je vois genre deux fois par année. Ouais. Je vois-tu genre aller chez eux faire le fendant de Montréal et qui leur dit comment vivre, tu sais. Il y a ça aussi qui est compliqué. Oui. C'est-à-dire que, ben non, je veux pas en laisser passer une puis je veux... donner une marque de désaccord, ouais. Tu sais, puis genre j'ai souvent parlé de la théorie de la brèche et je l'aime d'amour dans un truc de comme tu laisses pas quelque chose être dit sans réponse, sans nécessairement faire une réponse complète puis expliquer ouais. Pourquoi c'est fucked up, juste faire un comme exprimer un désaccord. Moi je dirais pas ça de même, genre ah, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est juste ouais. Juste exprimer qu'il y a un désaccord pour que ce soit pas laissé sur ça, c'est une vérité ouais, qui oh, est correcte ouais. À dire puis qui genre qui fait pas froncer de sourcil. Sache que quelqu'un t'sais. Pourrait être pas d'accord. Pis... C'est ça, ouais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est compliqué dépendamment de la relation que t'as avec la personne. Mais tu sais, c'est ça, parce que moi, je regarde, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très chanceux. J'ai une super bonne relation avec ma famille. Tu sais, moi, on est 13 cousins-cousines, qu'on a été élevés ensemble. J'ai pas de frères et sœurs, mais genre, ces gens-là, c'est comme mes frères et sœurs. Ouais, ouais, ouais. On se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'année. Il y a beaucoup d'occasions de parties familiaux. On est très, très, très, très proches. Puis c'est une grosse partie de mon support system. Là. Ma famille m'a donné de ouais, l'argent, ouais. De la bouffe, m'a sorti de la merde je sais pas combien de fois. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que quand je veux amener quelque chose, je peux pas me mettre en crise et dire non, ce que tu viens de dire là, ça passe pas. Faut que je fasse attention parce que c'est quand même des gens envers qui j'ai énormément de gratitude. Ouais. Puis je veux pas attaquer mon support system. Mais en même temps, tu sais, il y a vraiment moyen de le faire de manière caring puis de faire comprendre oui. Aux gens que c'est parce qu'on care pour eux. Mais autres je pense beaucoup par avoir mots. Ces conversations-là. Ouais. Oui, puis c'est sûr que comme ton arme la plus efficace, c'est ton c'est mot. Parce que, of course, genre, vous êtes cinglante. Ouais. You know it. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais il faut que ce soit clair que c'est un work of love puis que c'est ouais. Pas. Parce que c'est vrai aussi, puis on en a parlé dans l'épisode avec Judith Lucie, de comme des oui, social justice warriors, ça peut avoir l'air prétentieux, ça peut avoir l'air comme chaotique, puis juste comme complaisant, oui. Tu sais. Fait que c'est aussi d'arriver à montrer que c'est pas ça, parce que je comprends pourquoi ça peut être perçu de oui. Même. Oui, oui, puis tu sais aussi, des fois, là, on parle de la famille spécifique, mais c'est vrai pour d'autres gens aussi, il faut savoir que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de mimes qui sont comme « Ah, oh, t'as rien qu'à l'éduquer », puis c'est pas faux, c'est vraiment pas faux, mais c'est pas évident, l'éducation politique. Ouais, c'est pas quelque chose qui s'apprend en deux jours. Ouais, puis tu sais, à qui tu parles, dans quel milieu, c'est quoi leurs accès? Moi, il n'y a personne dans ma famille qui est à l'université. Je suis mm-hmm. Un des très, très rares personnes à avoir été à l'université dans toute ma famille au complet. Là. Ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, je peux pas arriver avec Michel Foucault, puis Judith Butler, puis mes grandes théories queer. Oh my God, read a fucking book! Ouais, c'est ça, genre, puis je peux pas débarquer en disant « Ah, oh, ça, c'est un construit social ». Même ça, genre, ouais. Personne va faire comme que ça veut dire un construit social. Tu peux pas faire ta Serena Chacha, ils vont te dire « Sit your ass down ». Here comes the Drag Race reference! Non, mais quand même, c'est bien, parce que c'est la première fois qu'elle a une mention dans un média depuis 10 ans, fait que ça va lui faire du bien, on vient d'y redonner un push à sa carrière. Hey, elle va être trending sur Twitter, est-ce que ouais. Tu penses qu'elle fait encore de la drag? On s'en calisse, t'as raison. Une compagnie de wig, en fait. Non, bitch, I know! OK. Ouais, c'est ça. OK, she's following. Ouais. Toi, tu l'aimais, hein? Iconic. Still iconic. Ça n'a aucun rapport. Alors, we love a TV mess. Là, on a encore un problème de crash ton thé qui vient crossover. Ouais, over, non, je pif sais, le matin, là, là. Je sais, là. Sorry, guys, on peut pas... We can't help it. Hey, on a fait un long épisode. Ah, même pas. Hey. Moi, pour vrai, pas game de faire une autre heure. Ah! Pas game. Ok, parfait. Pas game, si j'ai la gueule comme un carré de sable, on dirait que j'ai fait une pipe au bonhomme Pitbury. C'est tellement pâteux. Là. Pardon, ta gueule. Coupe-moi ça. C'est fini ce segment-là. Ah, voyez, on vous revient tantôt. Ça là. Va changer un café. C'est c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on ne veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, et le matin, et 2 fifs le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts, mettre des likes sur Spotify, nous share, parlez-en à vos amis, à vos parents, à votre famille élargie, à des inconnus sur Internet, à tout le monde. Oui, là j'ai goût de vous dire écoutez Crash Tonté, mais ça se peut que la saison soit finie, mais qu'on diffuse ça. Réécoutez-les. Réécoutez Crash Tonté. C'est ça. Voilà, effectivement. Alors, les moules, on se voit la semaine prochaine. Yeah! Bye! Ciao, Pao!